de la tombe. Côté de l'ingénieur de l'amour. Ah, c'est pas plus beau, ça, là. C'est la confiture et le désordre et l'obscurité. L'automne, l'enfance, l'éternité. Autour, il y avait le silence, les guêpes et les nids des oiseaux. On allait à la pêche avec monsieur le curé. Maison près des HLM. Il y avait le silence. La la, pa bi bi bi bi bi bi bi. Pa da bi bi bi bi bi bi bi bi bi. Pa ba ba ba ba ba. Pa bi bi bi bi bi bi bi bi bi bi bi. La la la, bi bi bi bi. C'est le progrès.